C'est le râpe de la carotte ou quand la carotte est râpée. C'est le râpe de l'assiduité. Avant, quand tu séchais des cols, tu te ramassais une colle. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. On te donnera de l'oseille si tu viens jouer le figurant. On s'en fout des notes, on veut de l'argent. L'école n'est pas un sanctuaire, faites-y entrer un peu d'air de notre bon air libéral qui fleure bon le capital. Quand Nicolas veut des quotas, chacun se presse de l'écouter. Quant au petit Nicolas, trop ringard, il peut bien se rhabiller. Car aujourd'hui, l'éducation, c'est tout simplement le pognon. Tu me crois pas, regarde TF1, le football, puis la F1. Et du Fouquet's jusqu'à Saint-Trope, on n'est jamais trop payé en cagnotte. Banquiers et nouveaux traders font diversion pour faire leur beurre. Ça manque pas de nouveaux rois mages qui veulent couper le fromage. Mais mettre une carotte dans le cartable, ça les rendra pas plus aimables, ni davantage estimables. C'était le rap de la carotte, ou quand la carotte est râpée.